Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le rêve, une réalité. Une série de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a nos nuits qui nous échappent et notre inconscient qui s'emballe. Il y a cette fois où un tigre géant m'empêchait d'aller passer mon bac et cette soupape pas toujours suffisante que sont les rêves quand le travail est un cauchemar. Alors pour commencer, les personnages. Une femme à vif, une médecin du travail, un homme qui a compris le truc, un autre au bout du rouleau, un chercheur qui aime échouer, un ingénieur intègre et une femme sans tête. Ensuite, le décor. Une voiture, des soirées trop longues, des pulsions, des suées, des cauchemars, Sisyphe, des salles d'attente trop pleines, un serpent, un monstre, des hurlements et le boulot qui peut rendre fou. Aujourd'hui, deuxième épisode, on tourne les pages. 21h, 2 minutes, 20 secondes. 21h, 2 minutes, 21h. On commence par le cahier, donc vous pouvez me le montrer, ouais. Et me dire ce que vous faites avec ce cahier, c'est quoi? C'est un cahier où je note mes rêves en fait, où je note mes rêves au sortir de la nuit souvent. J'aime bien noter parce que je suis encore bien fraîche de ce qui vient de m'arriver dans la nuit, donc je note tout. Et là j'avais eu une sensation physique hyper importante en fait, où je me suis réveillée un matin, j'avais extrêmement mal au dos, donc effectivement c'était dû à une activité physique importante. Mais dans mon rêve, en fait, j'avais le dos couvert de chair, à vif. Comme si on m'avait carrément enlevé la peau, en fait. Et tu voyais uniquement cette chair rouge vive. Et ça faisait des superpositions, ça faisait vraiment des surfaces comme ça. Vous voyez les espèces de saucisses de mortaux, des saucisses, quoi. Et j'avais le dos couvert de saucisses, j'avais hyper mal au dos. Et je me suis réveillée le matin avec cette sensation, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Donc direct, je l'ai noté, dos couvert, chair à vif, plusieurs surfaces superposées, forme rond, aspect, chair de saucisse, Montbéliard. Profond ressenti, physique au réveil. Quand le travail vire au cauchemar. J'ai eu une fois. Ah voilà. Celui-là, il date de quand, celui-là? Ça doit être de cet hiver. Cet hiver. Alors là, la salle du restaurant... Vous rentrez par une porte tambour et direct, vous êtes dans un espace très haut de plafond, avec des miroirs partout, des boiseries. C'est magnifique, quoi. Et vous avez une mezzanine. Et dans ce rêve, qui effectivement est assez... celui-là, c'est pareil, c'est un rêve qui vient assez récurrent, où il y a tellement de clients qu'il n'y a pas d'espace, en fait, pour vous déplacer. Et là où je bosse, c'est que des lignes droites, hein, et du perpendiculaire et de la parallèle. Hein, donc c'est... Chacun tient sa gauche ou tient sa droite, mais il n'y a pas moyen de ne pas aller vite, en fait. Voilà. Et là, dans ce rêve, j'ai des clients donc, qui sont très concentrés dans mon rang, à un tel point que je ne peux pas poser pied à terre, et j'en ai carrément, mais qui descendent de cette fameuse mezzanine, comme des grappes de raisin quand elles sont hyper mûres, comme des petits ballots, des petits ballotins, ils étaient là, bam, bam. Et là, j'ai noté. Des clients par centaines qui gisent du haut de l'étage, par grappes jusqu'au sol. Des calculs en n'en plus finir, des situations de stress, ouais, où je ne trouve pas d'issue. J'ai même une pote danseuse, hein, j'ai le marqué, qui surgit du fond de la scène, nue, sur un fond psychédélique. Je pense que j'avais vu trop de monde en une seule journée. Ce qui fait qu'effectivement, je... Ce que montrent ces rêves, en tout cas, c'est là, quand même la puissance incroyable, l'importance incroyable du travail dans la colonisation quand même, de la subjectivité du fonctionnement psychique. Hein. Ça, c'est extérieur, mais ça rentre à l'intérieur de vous, parce que les rêves, vous ne les décidez pas. Hein. Ça vous arrive. Vous ne décidez pas de cette pensée-là, vous ne décidez pas de ces images. Ça veut dire quand même que le travail il pénètre très en profondeur dans le fonctionnement psychique. Ce que j'ajouterais évidemment, c'est qu'en fait, il y fait des transformations. Il est le point de départ de transformation pour le meilleur ou pour le pire. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. Je suis médecin du travail dans un service inter-entreprise dans Paris. Les gens qui ne nous connaissent pas, ils ont une image négative de la médecine du travail. Donc je voulais qu'ils soient en confiance. Et donc ça prend du temps aussi pour gagner la confiance des gens qui savent qu'on a toute leur histoire personnelle de santé. Et quand on les connaît pas, il faut quand même bien savoir s'ils ont déjà eu des problèmes cardiaques, des problèmes, une relation de confiance avec les gens, et puis leur apporter satisfaction hein, par rapport à leur santé, par rapport à leur travail. Et je pense que c'était bien. Je m'étais en relation avec leur médecin traitant, je m'étais en relation avec le médecin conseil. J'ai déclaré pas mal de maladies professionnelles aussi. Hein, donc c'était des petites choses comme ça que j'avais mis en place petit à petit pour ne pas être bousculé par le temps. Et donc, eux, ils n'étaient pas très contents parce qu'au lieu d'en voir 12, à part vacation, j'en voyais 8. Il y avait peut-être quelquefois des absents quand il y avait des problèmes. Ben, c'était 6 ou 5. Je calculais une heure par des gens qui avaient vraiment des problèmes de santé ou en lien avec le travail. Ils ne pouvaient pas en 10 minutes. Quoi, hein. Donc, j'étais à 4500 salariés. Ils parlent d'une moyenne de 1000 salariés par médecin généraliste ou 1500. Et nous, on est à 4000, 5000, voire même plus. Hein, par personne. Et moi, j'avais plus de secrétaire déjà hein, depuis longtemps. Je faisais tout toute seule. J'avais même écrit à mon entreprise qu'on n'avait même plus le temps d'aller aux toilettes. Parce que c'est vrai que ça arrivait et qu'on ne pouvait pas. Alors elle m'a répondu, ça a été effacé du PV du CE, que mais il n'y a qu'à prendre une chaise percée. Et donc savoir que tous ces gens qui attendaient, il fallait que je les voie et que je ne pourrais rien faire, c'était du travail pour moi bâclé et c'était intolérable. Vraiment complètement quelque chose au-dessus de mes forces que je ne pouvais pas. Et c'est pour ça que je me suis enfermée. Je dis, mais je pourrais jamais les voir. J'ai remarqué que c'était toujours le même processus. On surcharge la personne régulièrement, on lui fait changer les objectifs, on met un peu plus d'affect dans la relation. C'est bien ce que tu as fait, c'est très bien. Et puis après, on attend le dernier moment pour tout changer. Généralement, c'est le soir, juste avant de partir. Ah oui, mais ça, t'as pas compris l'objectif. Donc, mais on doit envoyer le dossier demain matin à la première heure, donc il faut passer la nuit. Donc ça chamboule un petit peu la vie personnelle, ça épuise les organismes aussi, on est vraiment très épuisé. Et en plus, on culpabilise, c'est surtout ça. Et à un moment, il y a une phase où on se rend compte qu'on est complètement déstabilisé et qu'on attend en fait le bon vouloir du patron. Ah oui, c'est bien ce que tu as fait. Alors ça, c'est vraiment la grande gratification et on se sent heureux, en fait, on a ce sentiment d'être heureux. Et quand il n'est pas content, on se dit, mais on est comme un enfant devant son père, qu'est-ce que j'ai fait, il m'aime plus, etc., etc. C'est un petit peu... Et c'est là qu'il en demande beaucoup plus. Comme l'organisme ne peut pas suivre, eh bien, bon, j'ai eu des collègues filles qui ont pleuré, j'ai eu des collègues garçons qui se sont énervés, qui ont pété un câble et qui sont partis, qui se sont fait arrêter. L'impression d'être déjoué, en fait, qu'on casse, et puis on reprend un autre. Nous étions partis un week-end pas très loin de la maison pour faire une petite visite, histoire de s'aérer un peu, voilà, et nous devions prendre de l'essence. J'étais avec mon mari et mon beau-fils, et donc, gentiment, mon mari qui ne conduisait pas, je lui avais demandé de me laisser conduire pour me focaliser sur la route et oublier un petit peu ma semaine de travail. Et on arrive sur une station-service pour mettre le plein d'essence. Et très gentiment, il me dit, je vais le mettre, reste au volant. Et très bien, donc j'entends machinalement le clapet du réservoir d'essence se fermer. J'ai mis la première, je suis partie. Et là, j'entends mon beau-fils à l'arrière qui me dit, mais papa. Et je lui dis, quoi papa? Il me dit, ben, papa, il est derrière à la station-service. Et en fait, dans la même semaine, il s'était passé plein de choses. C'est-à-dire que juste avant cet épisode, quand même, j'oubliais tout ce que je devais faire. En fait, j'oubliais parce que j'étais fatiguée, je ne savais plus faire la part des choses, je ne savais plus donner les priorités à quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça fait beaucoup trop de choses qui m'oppressent et qui vont pas. Et je suis allée voir mon nouveau directeur de service en premier lieu. Je lui ai demandé de m'accompagner chez le directeur du personnel qui était très au courant de ce que je vivais sur les deux dernières années. Et là, j'ai demandé à m'arrêter, en fait, un petit peu. Enfin, j'ai prévenu que j'allais m'arrêter parce que j'étais au bout des crises de pleurs, et tout se confondait, tout se mélangeait. Et cette douleur qui devenait continuelle de muscles, d'une douleur musculaire complètement atroce. Donc je suis nommé à un poste important en février 2018. 10 jours plus tard, mon manager m'annonce que je suis débarqué sous le prétexte que je ne fais plus l'affaire. Je suis sur un plateau où il y a 40 personnes, où on travaille très régulièrement en synergie. Et là, j'ai plus rien à faire, quoi. En fait, tout simplement. Alors je suis isolé au sein d'un groupe. Je me dis que c'est de ma faute, je me dis que j'ai pas été à la hauteur, je me dis que je suis pas bon, que c'est un échec. C'est un échec cuisant, d'autant plus que on m'avait présenté en début février 2018, lors d'une convention nationale où il y avait les 400 commerciaux à cette convention, on me présente comme étant le responsable de ce service qui apporterait de développer les compétences et la professionnalisation des commerciaux au sein de sa structure. Donc, je suis porté, entre guillemets, j'étais le champion pour ces 400 personnes. Et puis, 10 jours plus tard, je suis plus rien, quoi. Donc là, vous chutez d'une cinquantaine d'étages. Et puis, vous vous écrasez, boum, par terre. Donc, il faut du temps. Ouais, c'est un choc important. Et donc, pour le bien de l'entreprise, même pour ton bien, etc., tu vas annoncer aux autres que c'est toi qui as décidé de mettre un terme à cette mission. Donc j'annonce, effectivement, contraint d'annoncer que c'est de mon fait que je quitte le métier. Sans citer de nom, quand je parle de cette entreprise, c'est une entreprise qui a une vocation sociale, en fait. Hein, c'est de l'économie sociale. Hein, donc c'est des gens qui sont supposés protégés, en tout cas qui proposent des services pour protéger les êtres humains. Donc un management harcelant. Et ça se passe un mardi soir, un mardi de janvier, à la tombée de la nuit. Bouffé d'angoisse, je me lève, mais je ne pense pas, en fait, mon cerveau ne fonctionne pas. Je me lève et j'ai une pulsion qui me fait me diriger vers la fenêtre du 5e étage. Et c'est le visage de ma fille qui m'arrête. Et là, je me rassois, je suis devant mon écran, et là, je me dis « waouh ». Et je reste 1h30 devant mon écran, sans rien faire. Et à ce moment-là, je dis « faut que j'arrête, quoi ». Parce que je vais faire une connerie. Et c'est à ce moment-là que... Enfin, à ce moment-là, c'est après plus tard, parce que là, je ne raisonnais pas. Je comprends les gens qui se foutent en l'air, quoi. Je comprends ça. At the third stroke, the time will be 8:19:30. At the third stroke, the time will be 8:19:40. Le processus vertueux grâce auquel le travail peut servir comme médiateur dans la construction de la santé se trouve aujourd'hui... Christophe Dujot. On peut dire enrayé, peut-être pas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre nous, y compris aujourd'hui dans les métiers les plus qualifiés. Comment aujourd'hui il y a des juges qui finissent par se suicider? Les policiers, ça fait déjà un moment, vous le savez, ça fait longtemps qu'il y a des suicides, mais maintenant, c'est dans tous les métiers. C'est France Télécom en ce moment, Renault, Peugeot, tout ça, dans toutes ces entreprises, il y a un nombre de suicides quand même invraisemblable. Les hôpitaux, aujourd'hui, c'est un des lieux où il y a le plus de suicides, entre les infirmiers, les réanimateurs, les chirurgiens, les médecins, un neurochirurgien de 35 ans, un type adoré par tout le monde, qui se tue dans son hôpital. Il y a eu une transformation majeure de l'organisation du travail. Auparavant, l'organisation du travail était l'apanage des ingénieurs. C'est eux qui s'occupent de l'organisation du travail. La concevoir, la surveiller, la faire exécuter, etc. Et à la fin du XXe siècle, donc dans les années 90, va se jouer une mutation considérable qui est que les ingénieurs vont perdre le pouvoir, vont être virés pour devenir des super techniciens. C'est plus eux qui ont le pouvoir et vont être remplacés par des gestionnaires. Le passage au néolibéralisme se concrétise dans le monde du travail sous la forme du tournant gestionnaire. Le tournant gestionnaire, c'est la prise du pouvoir par les gestionnaires. C'est un changement radical parce que les gestionnaires ont une formation commerciale, une formation de gestion, mais n'ont aucune formation en matière de travail. On n'enseigne pas les sciences du travail dans les écoles de gestion, on les enseigne pas dans les écoles de management, on les enseigne pas dans les écoles commerciales, les grandes écoles, on n'enseigne pas le travail. Donc ils ne connaissent rien au travail. Mais ils vont diriger. Ils dirigent l'entreprise, ils dirigent même les secteurs industriels, alors qu'ils ne connaissent pas le travail industriel. Le médecin à l'hôpital, l'interne, 70% de son temps, c'est sur l'ordinateur, c'est pas avec les malades, pour entrer des données pour que les gestionnaires puissent faire leur tableau de bord. Mais ça n'a aucun rapport avec le fait de... Donc on sacrifie à chaque fois le temps avec le malade pour pouvoir remplir les patrouilles pour les gestionnaires. Donc, en fait, on fabrique du travail pour gestionnaires, mais c'est du travail qui est... C'est complètement délirant, si vous voulez. Ils dirigent les hôpitaux, ils ont pris la main sur les hôpitaux, alors qu'ils connaissent pas la médecine, connaissent pas le travail infirmier. Et ils n'en veulent rien savoir. C'est pas seulement qu'ils sont ignorants, mais la base de leur pouvoir, c'est de ne rien savoir. Pourquoi c'est la base de leur pouvoir? C'est ce qu'on leur apprend. Il ne faut pas discuter avec les gens de métier. Si vous acceptez la discussion avec les gens de métier, vous perdez le pouvoir. Parce qu'évidemment, ils connaissent le travail, pas vous. Donc, il n'y a pas de discussion sur le travail. On a une discussion sur les objectifs quantitatifs et mesurables. Voilà le coup de force des gestionnaires. Les objectifs, c'est la vérité même. Et la performance, c'est la vérification. Oui ou non, vous avez tenu ou pas tenu. Entre les deux, le travail, je ne m'intéresse pas. Je discute pas. Objectif, performance. Ça veut dire que, qu'est-ce qui est mesuré? Ce qui est mesuré n'est pas le travail. Parce que si vous avez compris que le travail est vivant, si effectivement il y a le travail vivant implique un certain travail de soi sur soi qui va jusqu'au rêve, je ne peux pas le mesurer. Parce que tout ce qui est subjectif n'appartient pas au monde visible. Votre angoisse, votre souffrance, votre plaisir, vos rêves n'appartiennent pas au monde visible. Donc on ne peut pas le mesurer. C'est une question de fond. Le travail est incommensurable. Vous mesurez, dans le meilleur des cas, le résultat du travail. Quand il y a un résultat. Parce que tout travail n'aboutit pas à un résultat. Moi, je fais de la recherche. La double centralité, ça a pris 20 ans. Donc pendant 20 ans, j'ai pas de résultat. Mais c'est parce que j'ai enduré cet échec pendant 20 ans que j'ai fini par trouver la solution. Je vous garantis, c'est l'échec qui, après toutes les tentatives pour essayer de le mettre en place, ne marche pas, qui finalement, je trouve la solution, elle est un produit de l'échec. Si j'avais pas échoué comme ça, je n'aurais pas eu l'idée finalement, la bonne idée. Elle arrive comme résultat de l'échec. Travailler, c'est échouer. Je suis soudeur aéronautique, c'est mon métier de base. C'est le métier de base de mon papa. Et vu que j'ai pas fait d'études, c'est un métier que j'ai fait, j'ai appris, et j'ai même dépassé mon père au niveau de ce métier. C'est un métier qui m'a permis de gagner ma vie, c'est un métier que j'aime beaucoup, et ça me permettait d'être libre. Parce que quand vous êtes un type comme moi, entre guillemets, un mec comme moi, c'est un mec qui vient des Antilles et qui fait partie de la diaspora africaine. Donc, dites-vous bien que rien n'a vraiment changé en France. Et j'ai trouvé, en faisant ce métier, j'étais respecté et en plus, j'étais libre. Je faisais un métier qui me permettait d'être libre. C'est même moi qui faisais mon salaire quand on m'appelait. C'est moi qui disais combien je gagnais. Il y a 30 ans en arrière, j'avais pas besoin d'être médecin pour gagner le salaire d'un médecin à Paris. Et donc, je me sentais bien. J'ai travaillé sur les avions les plus mythiques, tels que le Concorde, et, les 747, la fabrication carrément des moteurs, et ça, ils pouvaient pas le saquer, ça, que j'ai fait tout ça. Ils me traitaient de vantard. Je me vantais pas, j'avais été content de faire ça. Travailler sous les CFM56, travailler sous la 380, en 2000, le moteur de la 380, en 2003, je suis parti au Havre. Chez Spano-Suza, bref. J'ai travaillé sous les paupières de Concorde, la chambre de combustion. J'ai vraiment travaillé sous cet avion mythique. Et d'ailleurs, quand cet avion est tombé, ma femme m'a dit « Concorde est tombé ». J'ai dit « Non, tu dois te tromper ». J'ai pas cru, parce qu'on faisait les choses tellement bien dessus. Et tous les gens que j'ai travaillé avec eux, ils savent ce que je suis capable de faire dans la soudure. Mais pour me rabaisser, ils me donnaient rien de bon à faire. Donc, il y avait une pièce qui a été faite à l'extérieur, pas qu'une seule fois, trois fois. Une pièce qui a été faite à l'extérieur. Et donc, Monsieur N voulait absolument que j'appose mon tampon, parce que le tampon, c'est la traçabilité avec lequel on sait qui c'est qui a travaillé sous cette pièce. Et donc, je lui ai dit, parce qu'il est venu avec l'OF, la carte d'identité de la pièce, et quand il est, j'ai dit, montre-moi la pièce. Il m'a montré la pièce. J'ai dit, cette pièce, c'est pas moi qui l'ai soudée. Je peux pas mettre mon tampon dessus. Et il m'a dit, j'ai besoin de vendre la pièce. Aujourd'hui est vendredi, tu mettras ton tampon. J'ai dit, non, je mettrai pas mon tampon. Ceux qui m'ont appris ce métier m'ont appris une chose primordiale. C'est l'honnêteté dans la traçabilité. Je peux pas faire ça. C'est la vie des gens qui sont en jeu. Je ne triche pas dans ce métier. Et comme j'ai refusé à trois reprises, il m'a dit que j'allais le payer. Et il m'a fait payer au prix fort. C'est une souffrance dans laquelle je trahis les règles de métier. Je trahis les malades, ou je trahis les justiciables, ou je trahis, bon, le client. On lui vend des trucs. À France Télécom, on vend des contrats en sachant pertinemment qu'on ment aux personnes âgées. Mais celui-là, on va vraiment le planter. On va lui faire acheter le truc le plus cher, parce que le pauvre vieux, il sait pas très bien. Donc il va payer le truc. Alors, vous faites ça, vous dites, si c'était mon grand-père hein, qui était... Ben vous faites, parce qu'il faut faire du chiffre. Ben à force de trahir les gens, ben vous faites la preuve aussi que vous ne saviez pas que vous seriez capable de donner votre concours à des choses comme ça. Que finalement, vous vous trahissez vous-même. Et là, la souffrance éthique, elle va conduire au pire, parce que c'est là que commence le risque que ça se retourne en haine de soi, mépris de soi, d'abord trahison de soi, mépris de soi, haine de soi. Et les gens, on leur fait faire aujourd'hui des choses dans l'entreprise qui les démolissent moralement. Ils se font ou spiller, ou harceler, ou insulter, ou sanctionner par la hiérarchie. C'est tout ça, et en plus, il faut le taire. Donc, si vous voulez, on est dans des trucs, dans plein de métiers aujourd'hui, et les agents clientèles, comme on dit, c'est en fait les commerciaux, si vous voulez, font des choses... qu'il est déshonore. Donc c'est vrai, on est dans une situation aujourd'hui. C'est particulièrement grave dans le service public, hein, parce que le service public, il a une éthique justement de service public où tout le monde doit être traité de façon honorable et équivalente, que vous soyez vieux ou jeune, homme ou femme, pauvre ou riche. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup de salariés reviennent chez eux avec un rapport. Non seulement au travail qui se présente comme une contrainte et la crainte de ne pas pouvoir tenir les cadences qui leur sont demandées, parce que quand même la question de la surcharge de travail, c'est... On nous a annoncé la fin du travail, à grand bruit. Et Jeremy Rifkin, et Dominique Méda, tous ces gens, c'est la fin du travail. C'est ridicule. La fin du travail, le résultat, c'est une explosion des pathologies de surcharge. Les troubles musculo-squelettiques, le burn-out, le karoshi... Le dopage, enfin, vous avez toute une série de pathologies, si vous voulez, qui sont monstrueuses et qui touchent des... Il faut se rendre compte, hein, 500 000 personnes sont indemnisées pour troubles musculo-squelettiques en France actuellement. C'est pas des petits chiffres, c'est un énorme problème de santé publique. Des troubles musculo-squelettiques, les mecs, ils ont mal dans les poignets, ils font des œdèmes et des inflammations, des gaines, et on est obligé de leur ouvrir le canal carpien. Enfin, c'est invraisemblable, si vous voulez. Seigneur. C'est-à-dire, je tâcherai de faire mon équilibre. J'ai amené une tuberculose, moi dans mon pied, je me suis présenté par une amie italienne. Albano, madame Albano. Ce qui m'épuise, c'est de quand je rentre et que je me dis ok, bon, une fois avoir tout fait tout le business, et que vous dites bon, maintenant je m'allonge, je suis dans mon lit, je suis peinard, et qu'en fait ça continue, ça vous lâche pas, hein. Jusqu'au même petit matin, parfois même j'ai l'impression qu'il est 9h du matin, que je suis encore là-dedans, je me dis c'est pas possible. Physiquement, j'ai pas l'impression de m'être reposée en fait. Et je le sais que je me suis pas reposée, parce que ma tête, elle est encore en train de travailler, de m'envoyer des infos, à me dire « Non, non, tu vas courir comme une poule sans tête. » Une fois, j'avais pas de tête, que je courais partout, comme une poule. Vous voyez, quand on coupe la tête des poules, je gesticule partout. Bah, une fois, j'avais ça. 53 minutes, 0 secondes. Au prochain top, il sera 10h53. Et en décembre, réellement, ça s'est rigidifié. On a essayé, nous, dans notre centre, de se battre pour qu'éviter justement qu'on puisse nous donner les entreprises d'un autre médecin qui était en arrêt maladie depuis longtemps. Normalement, l'obligation aurait été de le remplacer, c'est dans le code du travail, mais ils n'ont jamais cherché. Enfin, ils nous disaient qu'ils cherchaient, mais ils n'ont jamais cherché. Et du coup, on était submergés par des appels, de demandes de visite. Je me souviens qu'un soir, j'ai fini tard par rapport à des gens que je ne connaissais pas, qui devaient partir le lendemain en Russie faire une prestation et il leur fallait un papier signé absolument, que moi je n'avais aucun des éléments pour le signer, je ne pouvais pas, et en étant ingénieur électrique, il fallait toucher l'électricité, la haute tension, etc. Mais j'avais beau être ingénieur, je n'avais pas des informations suffisantes pour pouvoir mais bon, en même temps, je ne pouvais pas les empêcher de partir. Vous voyez les dilemmes qu'on peut rencontrer, je n'avais pas les empêcher de partir. Donc, j'ai dit, bon, ben, vous y allez, puisque quand même vous êtes jeune, vous devez être en bonne santé, mais bon, c'est bien quand même de passer quelques examens que je leur ai prescrits, et je devais les revoir, et puis je suis partie entre-temps, voilà, j'ai pas eu le temps de les revoir. Et donc le lendemain, je suis arrivée tôt, pareil, et je dis à la secrétaire, vous m'avertissez dès que le premier salarié arrive. Et bien elle a oublié, parce qu'elle aussi, elle était débordée, on était 4 médecins consultés, avec chacun 4 salariés à voir toutes les heures, donc vous voyez, multiplié par 4, elle n'a pas pu m'avertir, la pauvre, et moi, d'un coup d'un seul perdu dans mes papiers, je me suis dit, mais je vais... J'ai personne, c'est quand même bizarre, donc je sors, et là, je me vois la pile de dossiers qui m'attendaient, et je me suis dit, mais je ne pourrais jamais y arriver, je pourrais, et puis plein de gens qui attendaient dans la salle d'attente, quoi. Et là, je me suis écroulée, je me suis enfermée dans mon bureau, je me suis mise à pleurer, je me levais, je me suis dit, je vais y aller, non, je ne peux pas. C'est là que ça a commencé. Et je voulais d'autant moins partir, c'est que j'avais écrit quand même en octobre à l'Ordre des médecins, et quand je suis arrivée chez eux le lendemain, et donc ils m'ont proposé de voir quelqu'un qui s'occupe de la cellule de soutien, et bon, qui m'a remonté un petit peu le moral, mais il me dit, mais vous pouvez pas continuer, et tous les deux, il me disait, mais vous êtes malade. J'ai dit, mais non, c'est pas moi qui suis malade, c'est le travail qui est malade. Et c'est là que les cauchemars vont commencer. Et pendant toute cette période, dépression sévère, psychologue, psychiatre, antidépresseur, somnifère, alors ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que je prends des somnifères mais j'arrive pas à dormir, ou je prends des somnifères mais je me réveille la nuit, et donc là des cauchemars récurrents, etc. Sans parler effectivement des idées noires qui peuvent et qui interviennent très fréquemment. Là je rentre le soir, je suis un zombie, je ne sais même pas comment je rentre. Je rentre et ma femme me voit dans cet état-là et me dit c'est pas possible, tu peux pas rester dans cette entreprise. Moi ça va parce que j'ai une vie familiale très harmonieuse, je suis très amoureux de mon épouse, j'ai des filles qui sont absolument fantastiques, on s'entend bien. Donc c'est ça qui me retient, quoi. Dans la plupart des cas, on se rend compte que quand ça va mal dans le travail déjà depuis un certain temps, bah, évidemment au bout d'un certain temps, pour les raisons que je vous ai dites de la perméabilité entre travail et hors travail, du fait que le travail, on sait où il commence, mais on ne sait pas où il s'arrête et qui va vous prendre jusque dans votre vie personnelle, votre vie privée, le travail, il va jusque à l'économie érotique, l'économie amoureuse, etc. Donc là, au bout d'un certain temps, il y a une crise conjugale. Mais la crise conjugale, dont on va dire c'est elle qui est la cause du suicide, eh ben la crise conjugale, elle est une conséquence du travail. Donc vous voyez, tout ça, ça s'analyse à chaque fois, mais il faut le reprendre dans l'histoire. Donc on ne peut pas opposer travail et privé, parce que psychiquement, il n'y a pas de séparation entre travail et hors travail. Donc de toute façon, votre rapport au travail, il aura des incidences sur votre vie privée et il va vous mettre en difficulté avec un certain nombre de questions laissées en suspens et qui sont des questions qui vous taraudent depuis votre enfance parce que nous avons tous été plus ou moins cabossés par notre enfance et que nous avons donc un certain nombre de problèmes, effectivement. Et les fragilités en question, un point important, tout le monde en a, mais pas les mêmes, mais tout le monde en a, sans exception. Un. Et deux, dans un certain nombre de cas, ces fragilités en question, eh bien, loin d'être un handicap uniquement du point de vue du travail, c'est ce qui donne aux gens leur intelligence et leur talent dans le travail. Les personnes qui étaient autour de moi, dans la famille, trouvaient que je n'allais pas et je refusais à voir que moi je n'allais pas. Et c'est vrai, c'est régulièrement je me levais à 2 ou 3 heures du matin. Alors quelquefois j'étais même réveillée par un quelque chose que j'avais rêvé et je me disais mais j'ai oublié de faire telle chose, il faut absolument que je puisse le faire et je me croyais à mon travail et je me levais pour aller chercher les documents, l'appel que je devais passer à une entreprise, à un salarié que je devais rappeler, une lettre à écrire et puis une fois que je m'étais levée, je me disais mais non ça va pas, t'es chez toi là, tu devrais dormir, voilà. Mais bon, c'était pas vraiment des cauchemars, c'était quelque chose qui me revenait sans arrêt parce que de toute façon je savais que je n'avais pas le temps de faire et que les salariés avaient des problèmes et qu'il fallait que je trouve des solutions pour eux, voilà. Et puis alors, c'est les cauchemars. Ben, c'était d'abord le premier, c'était en janvier, après avoir reçu la punition. Hein. Donc le premier, ben, c'était sur un bateau de galériens. Donc j'étais attaché à ce bateau pour le faire avancer. Et le fait de le faire avancer, ça lui permettait de produire des fiches. Et on me tapait dessus avec un fouet pour que j'aille plus vite. Et j'avais beau essayer, j'y arrivais pas, de continuer à me taper pour produire des fiches. Voilà, donc ça c'était quand même assez... Le bruit, il est hyper important dans le salon où on travaille. On travaille dans une salle qui fait exactement 350 places assises. Vous avez donc un fond sonore en permanence quand vous travaillez. Et pareil, un matin, je me suis réveillée, j'avais les oreilles qui bourdonnaient. Et j'avais pareil, cette image précise de gouttes de chair à l'intérieur de mes oreilles. C'est quoi cette horreur? Donc je l'ai noté. Des gouttes de chair dans les oreilles, à l'intérieur, sur les parois. Plusieurs dimensions de gouttes. Une fois de plus, mon cerveau est resté au boulot. J'ai rêvé de prise de commande, de collègues, de jus. C'est des images qui, le matin, vous les avez... Elles ne se rendent pas toutes seules. Hein. Ça impressionne ma nuit, quand même. Ça m'impressionne physiquement. Donc j'ai besoin de l'écrire parce que ça me questionne. Mais c'est surtout des sensations de stress et de pression du boulot qui viennent vous envahir, en fait, complètement. Je me couchais, je m'endormais et je rêvais que, au sein de mon entreprise, j'étais nu au travail. Et quand je dis nu, sans vêtements. Et donc, je voyais au loin qui me voyait, qui se moquait de moi. Et donc, j'étais apeuré, j'avais honte. Et je me levais souvent avec mon lit, ma couche complètement mouillée, je transpirais. Et c'était très très dur à vivre ça. Ça n'a pas duré quelques jours, ça a duré des années. Et je faisais toujours le même rêve, que j'étais dans ma cabine et j'étais nu, parce que comme il ne me donnait pas de travail, je m'asseyais et j'attendais le travail. Et je me rendais compte que j'étais assis, mais toujours nu. Et je comprenais pas pourquoi j'étais nu. Mais je pense avec le temps, c'est que il m'avait mis complètement à nu, il m'avait dépouillé de tout ce que j'avais. Et j'avais plus rien, je valais plus rien. J'étais poursuivi dans même au fond de mon sommeil, j'étais poursuivi. Ces gens-là me hantaient dans mon sommeil. Parce que leur action était si violente, si animale, que je ne pouvais pas concevoir que je dormais encore, je rêvais d'eux. Et le lendemain, il fallait que je me réveille pour aller les revoir. C'était très, très dur. On se sort du sommeil et on les re-rêve encore dans la même nuit. On re-rêve. On se dit, dans mon sommeil, je me dis, réveille-toi, c'est un cauchemar, réveille-toi. Je me réveille et je me rendors, je rêve encore d'eux. Je vois leur visage, je les vois physiquement. Je vois leur aspect, je parle avec eux. Et c'est quelquefois à l'occasion d'un rêve comme ça que se fait une prise de conscience. Pour un individu déterminé, il se dit, bon ben là, ça y est, j'ai compris. Il faut que j'arrête. D'avoir été saisi jusque dans le rêve, habité la nuit par un truc qui tout à coup vous attrape sous une forme encore peut-être pire que ce qui se passe dans la réalité, c'est comme un avertissement. C'est entendu par celui qui a rêvé comme un avertissement. Maintenant, il faut que tu sauves ta peau. Alors, c'est une situation très compliquée, évidemment. C'est une situation tragique parce que, évidemment, on va perdre son boulot. Donc, on passe dans le côté du pire, c'est-à-dire du risque du chômage et toutes ses conséquences. Mais c'est quelquefois à l'occasion d'un rêve comme ça que les gens vont prendre des décisions et peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils vont être au chômage, mais en tout cas, ils auront sauvé leur peau. C'est-à-dire que s'ils continuent, ils vont mourir. Parce qu'il y a véritablement une menace, et je crois qu'il faut aujourd'hui, on est obligé de la prendre très au sérieux. Les situations de travail sont tellement injustes. Elles vous obligent tellement à faire des choses que vous désapprouvez. Elles vous amènent tellement à faire des choses aberrantes, absurdes, parce que ce système est complètement irrationnel, si vous voulez. Vous pouvez vous montrer assez facilement. Et en plus, il est contre-productif, il dégrade la qualité, il dégrade la coopération. Les gens, l'absurdité. Alors, il faut se crever. Il faut travailler comme des brutes, y compris en dehors de votre boulot. Vous emportez le travail chez vous pour faire un travail qui n'a aucun. Donc, vous-même, vous ne voyez absolument plus l'utilité. C'est très dangereux de faire activement, suractivement, un travail qui n'a pas de sens pour vous. C'est psychiquement et physiquement très dangereux. Si vous êtes dans une activité ou dans des activités qui sont très chargées de sens en termes de contribution à la société ou contribution à l'espace public, contribution à la justice, contribution au bien commun, etc., ça vous confère une très grande résistance à la maladie, et mentale et somatique. Quand on est dans un travail qui n'a pas de sens, ou qui a perdu son sens, ou qui devient à contresens, puisque vous faites le contraire de ce que vous faisiez jusqu'à présent, vous êtes amené à faire des choses que moralement vous réprouvez, il y a un risque, évidemment, que le rêve, à ce moment-là, soit il raconte, il réplique la situation à l'identique. Il peut y avoir ce moment de révélation, où vous dites c'est fini, il faut que j'arrête de faire ça, je suis envahi, c'est une des réactions possibles. Soit il y a effectivement ces petites modifications successives qui permettent finalement de forger des défenses pour supporter. Il y a le cas que vous envisagez de, voilà, serveuse, c'est un travail qui est sous des cadences extrêmement lourdes, quoi, très répétitives, et qui finalement se découvre en train de rêver. Elle dit à un moment donné, je suis colonisé par mon travail, ce qui fait que même la nuit, je suis encore en train de prendre mon carnet à souche et de prendre des commandes, etc. Et je refais les mêmes gestes. Donc il y a une désappropriation de soi, de colonisation par le travail. C'est vraiment extrêmement pénible, extrêmement douloureux. Moi, je fais des services quand même après-midi, soir, jusqu'à minuit. On doit être une quarantaine de chefs de rang. En service de fermeture, on doit être 6 ou 7. Donc à partir de 23 heures, on est 6 ou 7 à gérer le restaurant, avec bien sûr les maîtres d'hôtel. Il faut quand même rester très très concentré. Parce que ça mobilise en vous à la fois une énergie physique, mais... Vous devez vous souvenir de tout, vous devez complètement gérer un rang, plus voire même plusieurs rangs, faire des additions, encaisser vos clients. Donc c'est être chef de rang, c'est votre restaurant, quoi. Donc parfois je me fais des phrases pour rester mais extrêmement concentré, pour ne pas arriver à une saturation ou être perturbée par un événement qui viendrait m'enlever du chemin, en fait, du boulot. Je vais à l'office et je me dis, ok, calme-toi, tu sais le faire, t'es capable de le faire, tu l'as déjà fait. Puis voilà. Puis ça s'arrête là, ça c'est mes phrases. Phrase leitmotiv, c'est celle-là. Ouais, ça c'est un truc, je le dis tout le temps. Ah oui, ça c'est marrant, ça par contre. J'étais au rez-de-chaussée d'un immeuble, j'avais une salle de restaurant, je sortais dans la cour du rez-de-chaussée, je rentrais dans une autre porte et j'avais encore une salle de restaurant. Et mon rêve, il faisait ça en fait. Je faisais des allers-retours entre un rez-de-chaussée 1, un rez-de-chaussée 2, et entre deux salles comme ça. Donc là, il y avait un vieux, excuse-moi, j'ai mis un vieux, hein, que j'avais installé chez moi, donc dans une de mes salles. Et je vois me noter 3 kirs pétillants, 3 fois 6. 3 fois 6, ça veut dire donc c'est 3 demi-douzaines d'escargots que j'ai commandés et que j'ai écrit. À peu près, au moins, je sais pas, 30 fois ou 40 fois dans la soirée. Hein. Ça, c'est certain. Et c'était le gros méchant loup, le grand Thor, le gros Aladdin, là, des fois, qui sortait, qui surgissait comme ça. Et je le voyais toujours avec des traits tirés, des traits furieux, qui me disaient « Non, c'est pas ça, change, change, change !» Et moi, dans mon rêve, je me mettais à refaire ma stratégie de défense. Et en fait, à chaque fois, je travaillais sur ma protection. Jusqu'au moment où ces rêves-là se sont transformés en cauchemars. Mais là, c'était pareil. Dans un premier temps, j'en ai pas pris conscience. Je le voyais toujours de plus en plus gros, de plus en plus qui s'affaissait sur moi. Mais en réalité, j'avais mal au dos quand je me levais. J'avais mal au cou, j'avais les cervicales bloquées. Je me tétanisais sur place. Ça se retranscrivait sur mon comportement durant la journée. Je ne voulais pas montrer à ma direction que j'étais quelqu'un qui me plaignait et qui cherchait sans arrêt la petite bête. Donc je subissais, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus bouger de ma chaise, parce qu'en fait j'étais complètement bloquée. Le dos bloqué, les cervicales bloquées, un mal de tête constant, de la sinusite sans arrêt, et j'en pouvais plus. Je disais souvent à cette époque-là que j'étais au bout de ma vie, parce que me traîner était un fardeau, tout simplement. Et tout ça, avec des nuits qui ne s'apaisaient pas. Je suis à la recherche de mes enfants. Mes enfants ont disparu, ont été enlevés, je ne sais pas où ils sont. J'ai peur pour eux, et donc je pars à leur recherche. Mais cette recherche, c'est une forme d'enquête, en fait. Je fais, ça se passe dans une forêt, la forêt est sombre, il y a du vent, je me rappelle, il y a les arbres, c'est très agité, hein. C'est pas serein, c'est inquiétant comme environnement. Donc j'enquête pour trouver mes enfants qui ont disparu. Arrivé à un moment donné, je vois l'entrée d'une grotte. Je me dirige vers cette entrée, je descends dans la grotte. Donc c'est une grotte effectivement assez glauque, et là il y a mes enfants. Alors ce qui est paradoxal, c'est que j'en ai 3, là j'ai mes 2 plus grandes, hein, qui sont là, donc je les retrouve, je suis heureux de les retrouver, et il y a derrière elles, il y a un individu dont je ne vois pas le message, une ombre humaine qui me parle, et cette ombre n'est pas agressive avec moi, et l'échange que l'on a n'est pas un échange violent, c'est un échange, on va dire, cordial. Je vais chercher mes enfants, je vais les ramener chez moi, etc. Et je me souviens pas exactement de la teneur, je me souviens pas de la voix, mais je me souviens parfaitement de la forme. C'est une forme noire, et je vois pas le visage. Tout en discutant, cette forme noire se rapproche de moi, sans en avoir l'air, mais on continue à discuter. Mais au fur et à mesure que cette forme se rapproche de moi, je sens l'angoisse monter, l'angoisse devient de plus en plus forte. et toujours en discutant, se rapproche de moi, être vraiment à quelques centimètres, et à ce moment-là, cette forme se transforme en énorme serpent noir avec des stries jaunes. C'est assez curieux comme détail, mais je m'en souviens. Et ce serpent m'entoure et m'étouffe et me broie. Et à ce moment-là, là, je suis terrifié. Pour sortir de ce cauchemar, là, je me mets à hurler. Et c'est ça qui me réveille. Selon mon épouse, c'est au moins deux fois par semaine. Le lien avec le travail, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait un cauchemar dont je me souviens, automatiquement, il y avait quelque chose en amont avec le travail. C'était directement lié avec le travail. Alors, soit un choc, par exemple, l'entretien avec ce manager, la lettre d'avertissement, le dernier entretien que j'ai pu avoir où on m'a accusé, on m'a fait de fausses accusations infondées. Là, il y a eu pour conséquence des choses dont je me souviens. Donc, il y a toujours un phénomène. Je pense que le fait de cauchemarder, c'est bénéfique. Je vais être grave dans ce que je veux dire. Ça évite de se tuer. Ça évite de passer à l'acte. Ça évite de suicider. Je pense. Sonnambula. Donc, l'histoire individuelle, elle est au rendez-vous des symptômes et des rêves dont vous parlez, mais quand même, le motif du rêve initial, c'est pas l'histoire infantile. Le point de départ, c'est bien le travail, indiscutablement. Maintenant, quelles vont être les conséquences? Elle va par exemple faire le rêve répétitif. Bon. Mais il y en a un autre. Il est déjà tombé malade. Il a déjà déclenché une maladie somatique. Il est déjà à l'hôpital, tout simplement parce que la surcharge l'a cassé sous la forme d'une maladie somatique. L'autre va faire un burn-out. Ce qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui. Moi, je pense que c'est complètement idiot, c'est pas un burn-out, c'est une surcharge de travail. C'est des pathologies de surcharge. C'est des pathologies d'épuisement, de surmenage et d'épuisement. Enfin, il fait une dépression. Donc, vous voyez bien qu'il y en a un qui fait une dépression, mais qui fait pas les rêves. En fait, il se trouve que, celui qui va faire la maladie somatique, par exemple, va faire une hémorragie cérébrale. Parce qu'il est. En fait, la cadence l'oblige à monter sa tension artérielle, il monte un truc, il pète un vaisseau dans le cerveau, il fait une hémorragie cérébrale. Ben, c'est pas lui qui a rêvé. De rêve en rêve, ce qui va être acquis, c'est des habiletés pour se défendre contre les effets délétères des nouvelles contraintes organisationnelles, gestionnaires, qui s'abattent sur vous. Du coup, ce sont des habiletés qui sont investi dans la protection de soi. Et ça, il faut apprendre à se défendre. On n'est plus dans une économie de l'intelligence au profit de l'amélioration de la qualité de la production. On est dans une intelligence investie dans la capacité de protection de soi et pas d'accomplissement de soi. Mais c'est déjà aussi une forme d'habileté que d'être capable de soutenir, de supporter ça. Voilà, donc les rêves professionnels ne sont pas que le signe d'une contamination regrettable, si vous voulez, par une situation de travail difficile, une situation de travail injuste. Vous seriez envahi en quelque sorte par le travail et ce serait regrettable. Non, nous rêvons tous de notre travail. Si nous sommes pour être des bons travailleurs, soit du côté de l'habileté, soit du côté de la capacité de s'adapter et de tenir dans des situations assez défavorables, voire carrément pathogènes, si je pousse ces choses, eh bien, il faut que vous rêviez de votre travail. Et en fait, ce sont des temps importants, justement, soit d'adaptation défensive à une réalité dangereuse ou pathogène, soit au contraire, c'est la preuve d'un travail de soi sur soi grâce auquel je deviens plus habile. Donc les rêves de travail, c'est une fonction majeure. Il y a une fois, et là j'arrive à saturation parce que j'ai noté. Saturation. Pour désamorcer, il faut quand même y aller un petit peu. Hein. Moi, pour désamorcer, il me faut que je rentre à vélo. Je sais pas, faut que j'aille hurler, mais il me faut du temps quand même pour désamorcer. Et quand j'y arrive pas, ce qui quand même est le cas dans les périodes de grosse saison, je suis à saturation. Donc dans mes rêves, c'est que ça. Là, je rêve carrément d'un couple asiatique. Ils sont tous les deux avec leurs sacs de courses qui viennent d'arriver de chez Vuitton et Dior et tout le cirque. Ils sont assis là et ils mangent exactement de la choucroute, du foie gras et un Edelsweiker. Voilà. Et ils sont dans mon rêve et ils bougent pas. Et ils vont être là à manger la choucroute et à pas bouger la tête de leur assiette. Je suis allée consulter un psychologue du travail parce que là, en fait, je sentais très clairement que je n'arrivais plus à respirer, en fait. J'avais des crises d'angoisse à répétition. Parfois même, je perdais ma voix. Je commençais le service. Hop, angoisse. Donc, je montais aller en salle. J'avais déjà plus de voix. Et je me disais, c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, j'ai fait la démarche d'aller voir un psychologue du travail. Et c'est vrai que ça m'a quand même permis d'y voir un peu plus clair sur cette pression, en fait. Et sur le fait que physiquement, l'impression de m'asphyxier, en fait, et de me réduire. Moi, ma vie s'est arrêtée, mon travail s'est arrêté, tout ce que je faisais, que j'aimais dans mon job, s'est arrêté. Et même quand je trouve du travail dans l'aéronautique, ils le savent, ils m'empêchent de travailler. Ces gens-là n'arrêtent pas. Ils continuent de vous faire souffrir, jusqu'à mort s'ensuit. Ils veulent, en fin de compte, ils veulent votre mort. Il n'y a pas de justice. Doit-on faire notre justice nous-mêmes ? Arrivé un moment, ma femme pouvait plus m'aider, et c'est là qu'elle, mais moi, je lui ai dit, il faut que je me fasse aider. Parce que si je me fais pas aider, je vais peut-être faire des conneries. Vous savez, pour mettre un terme à votre souffrance, il y a qu'une seule chose. C'est mettre un terme à votre vie. Et je me dis, je peux pas faire ça. Ma mère était encore vivante, j'ai dit je peux pas faire ça à ma mère, j'ai perdu une sœur aînée, j'ai vu comment mes parents ont pris un coup de vieux, j'ai dit je peux pas leur faire ça. Mais j'ai plongé. C'est soit je me révoltais physiquement, ou j'attendais que ça se passe. Mais rien s'est passé, je suis tombé malade. J'étais voir un psychologue du travail, j'étais voir un psychiatre, j'ai pris des cachetons. J'ai grossi, j'ai pris du poids, je pouvais même pas me lever. Mais comme je suis quelqu'un de fort, je me disais même si je travaillais pas, il fallait que je me lève, je me lave et je me rase. C'est ça qui m'a permis de rester debout aussi. Ma femme m'a beaucoup aidé, c'était très dur pour elle. Elle était obligée aussi de prendre des cachets. Ces gens-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils détruisent un homme, mais ils détruisent toute une famille. Et ils ne s'arrêtent pas comme ça. Je pense que c'est une plaie qui ne se refermera jamais. Parce que on ne doit pas faire subir ces genres de traumatismes à quelqu'un. Parce que je me suis battu pour ne pas être manœuvre. Et à me remettre là-dedans, c'est me rabaisser. Dormono entrambi. Quand le travail vire au cauchemar. Avec Christophe Dejour et le récit de six travailleurs rêveurs. Prise de son, Thibaut Nassim Ben et Yves Le Horse. Mixage, Manu Couturier. Archivina, Aude Vassan. Documentaliste, Antoine Vuillose et Anne-Lise Signoret. Attaché de production, Marivonne Abolivier. Coordination, Perrine Carvran. Merci à Bastien Lambert,